pour donner une réponse groupée à la multitude de messages Facebook que je reçois des personnes qui critiquent vivement mon silence concernant les affaires des bavures policières de Théo et Adama, je vais m'exprimer du fond du cœur, respectueusement sur ces deux tristes événements qui ont du poids. Mais je m'exprimerai sans langue de bois. La deuxième chanson que j'ai enregistrée dans ma vie date de 1999. J'avais 17 ans. Quand les jeunes de mon quartier, vos quartiers, passaient leur temps à parler avec fascination du dernier braquage extraordinaire que relatait le Parisien, quand ils squattaient les halls, ils fumaient du shit, sans respect pour les mères de leurs voisins qui devaient obligatoirement traverser ces halls après d'exténuantes journées de travail ingrats pour rejoindre leurs appartements où les poignées de porte ne duraient même pas 2 ans, où elles y élevaient de nombreux enfants dans une précarité scandaleuse. Quand certains prônaient dans leur rap que seul le crime paie, sans se soucier de l'impact forcément négatif que ça aurait sur les leurs, vos, nos petits frères. Moi j'ai fait cette deuxième chanson de ma vie du haut de mes 17 ans, en dénonçant les bavures policières qui sont souvent une résultante de nos propres comportements ou activités illégales. Pour commencer, j'ai une chose primordiale à rappeler aux jeunes des quartiers dont j'ai fait partie. Des jeunes que j'ai défendus, des jeunes pour qui j'ai pris des risques mortels, physiques et sociaux. Ces jeunes que j'ai défendus jusqu'à leur connerie, avant et durant mes 10 années d'activisme dans le monde du rap. Je ne renie pas avoir été un jeune de banlieue, de quartier, de cité. Je ne renie pas que j'en ai ressenti les frustrations et autres injustices policières. Tous ces faits et toutes ces frustrations ont façonné mon mental, mon objectivité et même ma direction spirituelle actuelle. J'aimerais néanmoins rappeler que nous autres jeunes Africains sommes venus ou nés en France pour la plupart parce que nos parents ont décidé de fuir une vie difficile. C'est un fait. Leurs parents, nos parents, vos parents. Ces personnes respectables et travailleurs qui ont une fois en France accepté des emplois limite humiliants et qui ont dû se taire face aux invectives de leur chef d'entreprise qui les traitait comme des moins que rien pour remplir nos frigos. Ces parents qui nous ont toujours dit « va à l'école, ne traîne pas avec des voyous ni des dealers, ne vole pas, ne fume pas de shit, le jour où tu vas en prison, tu n'es plus mon fils ». Ces parents décontenancés face à nos esprits rebelles qui, pour nous protéger d'une future précarité, la prison, la mort, allaient jusqu'à nous frapper aussi fort que la police elle-même. En vain. Nous sommes dans l'obligation de les honorer et de ne pas les décevoir. C'est même un des ordres les plus fermes du Coran. Honorer ses parents. J'ai grandi. Je ne suis plus un jeune aux réactions épidermiques. Ce jeune dans la violence gratuite qui n'a pas un sens du jugement concret sur la société ne voit pas plus loin que le bout de son hall. Il faut être objectif. Quand tu traînes avec des dealers ou les défends, aussi amical et sincère soit ce geste, tu désobéis et snobes les paroles de tes parents et d'Allah car tu ne les honores pas. En tant que jeune de quartier, on doit et devrait tous bouger les uns pour les autres. Moi, en 2006, au courant de l'élaboration de mon premier projet musical Les Sirènes du Charbon, au lieu de viser le disque d'or, au lieu de mettre un joli cuir, un beau 500A pour faire la photo de la pochette de mon disque sur laquelle j'aurais été beau gosse, j'ai préféré défendre les quartiers et les injustices sociales, raciales et policières qu'on y subissait en les illustrant d'une pochette qui n'était autre qu'une photo d'un jeune garçon black de 7 ou 8 ans sur son vélo, entouré de CRS, comme s'il représentait un putain de danger. J'ai lourdement insisté auprès de mon producteur pour utiliser cette photo qui représentait une situation réelle qui circulait sur le net. Et j'ai lourdement insisté pour ne pas la substituer d'une mise en scène photographique ou d'une trompeuse photomontage. Je devais avoir 23 ans quand j'ai fait ce choix artistique militant. Cette pochette m'a coûté une amende des syndicats de police de 40 000 euros qui ne sont jusqu'aujourd'hui toujours pas réglés. Ils étaient où les jeunes pour qui je me battais comme un dingue dans ce projet? Ces jeunes pour qui j'ai dit fuck le disque d'or, fuck les radios, fuck l'argent. On est dans une souffrance insupportable et j'ai le devoir de la dénoncer. Ils m'ont défendu, ils ont manifesté pour moi, ils ont organisé des concerts pour que je ne puisse plus être justiciable. Non! Non! J'en ai été déçu, j'ai pris sur moi et j'ai, durant les 4 années qui ont suivi ce premier projet jusqu'à la commercialisation du second, conviction suicidaire, défendu les quartiers comme un fou, malgré mes poches vides, à en perturber ma vie, mon calme et ma santé au passage. J'ai juste fait mon devoir et je n'ai jamais déploré ce manque de solidarité dans la moindre interview à mon égard de ces jeunes de quartier pour qui je négligeais l'argent et le succès. J'ai fait mon devoir, je n'en suis pas devenu aigri et je ne demande pas de médaille non plus, vous me connaissez. Concernant la masse de rappeurs hypocrites et opportunistes, à la recherche du moindre fait d'actualité pour pointer le bout de leur nez, figurer auprès des familles, caméras et appareils photo à l'appui, ces rappeurs qui attendent la moindre bavure policière pour s'insurger publiquement, sans pudeur à l'égard des familles des défunts ou des agressés. Ces rappeurs que je qualifierais sans concession de vautours, car ils viennent manger sur les cadavres pour faire leur promo. Et le reste de l'année, ils font des chansons soit à l'eau de rose, soit pleines de violence et de kalachnikov dans les clips avec lesquels ils menacent de rafaler tout le monde, y compris vous qui les écoutez. Ces kalachnikov qu'ils n'utilisent bien évidemment pas contre la police quand il y a des bavures. Tous ces rappeurs, ne me demandez pas de me joindre à eux, ni de faire des gestes semblables à ceux de certains de ces artistes que je qualifierais de vautours, opportunistes et de pourriture. Je ne peux pas les imiter ni me joindre à eux. Je me le refuse et laisse les familles dans le recueillement et la pudeur qu'ils méritent après ces dures épreuves. Organiser un concert pour alléger les frais des avocats des familles, je suis pour. Mais hors caméra, sans photo à côté du père, de la mère ou de la sœur de la victime pour picorer sur le cadavre, faire parler de soi et se donner une bonne image. Ma conscience sur ces sujets au garde à vous depuis mon adolescence. Les rappeurs que vous soutenez ont 25, 27, 38, 40 ans. Ils passent leur temps à essayer de percer toujours plus haut à coups de chansons aussi débiles, destructrices, violentes et sans militantisme ferme les uns comme les autres. Pour conclure, moi j'avais 17 ans quand j'ai écrit et enregistré cette fameuse chanson où je dénonce les bavures policières. Cette chanson qui s'appelle « Les reufs meurent ». En argot, « reuf » signifie « frère ». Ça veut donc dire « les frères meurent ». J'avais une vision fraternelle des personnes qui n'étaient parfois même pas de mon quartier, même pas de ma ville, qui n'étaient même pas forcément des amis ou des connaissances, des personnes qui n'avaient pas mon sang. Je l'ai pas fait pour manger sur qui que ce soit. Impossible. J'étais inconnu au bataillon. J'étais juste animé par le devoir de défendre nos semblables. Du haut de mes 17 ans, je pleurais juste les nôtres et le besoin de justice. L'affaiblissant sentiment d'injustice. Ne me comparez pas à ces vautours. S'il vous plaît, faites pas ça. Transmettez juste mes respects aux familles de la part du jeune homme de couleur marron foncé qui a écrit cette chanson à ses 17 ans. Ce jeune de la même couleur qu'Adama et Théo, qui se fait insulter par les jeunes qu'il a défendus jusqu'à la folie, sans rien demander en retour, toute sa vie, juste parce qu'il porte une kippa et parce qu'il ne tolère pas la colonisation spirituelle. Mes respects aux familles, ce sera tout. Simba Pascal, un homme avant d'être une personnalité publique. Continuez à attendre le dernier clip de Booba, PNL, MHD. Continuez à écouter, valider. Continuez à rendre riche ces rappeurs qui se foutent de vos gueules ensuite. Vous l'aurez mérité. Continuez à attendre le feat de l'été. Moi, je dois m'élever loin de cette hypocrisie gorgée de débilité. Car je me suis fait à l'idée que les quartiers ont craché à la gueule de ma fidélité.